l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, leurs œuvres sont infâmes, nul ne fait le bien devant tes yeux. Du haut des cieux, l'Éternel se penche, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il en est un qui soit sage, un seul qui cherche vraiment ton nom. Tous ensemble, ils se sont égarés. Dans la violence et le mépris du prochain. Mais voici une grande frayeur les saisit, car Dieu est avec la génération des justes. Il voulait confondre les projets du malheureux, mais l'Éternel est son refuge puissant. L'espérance des pauvres, vous méprisez ceux qui s'attendent à Dieu, mais c'est l'Éternel qui bâtit l'avenir et qui tient la justice dans ses yeux. Oh, qui fera venir de Sion la délivrance, qui quand Dieu restaurera son peuple lassé, Jacob exultera, Israël dansera de joie. Tous sont égarés, mais Dieu reste fidèle. Il relève ceux qui se confient en lui. Quand il ramènera son peuple captif, la louange couvrira la nuit.